mène la vie d'un gangster. Je rêve d'être une rockstar. Ne me compare pas à ces acteurs qui méritent des Oscars. Oh Marine, si tu savais tout le bien que tu m'as fait. Je mixe codéine, prométhazine. Et quand mon mélange fait tes fers, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Sous-Jack et Messi, je traîne dans la Tessie. Y'a quelque chose en moi de Tennessee. Du Skype dans la vessie, Sprite, codéine, prométhazine. Clope, feuillet, je roule ma huile. Riz, viande de bœuf, sauce d'acatine. Seul, les bitches font cap à leur ligne. On n'est pas que du grand veulent de pourri sans tôle. Et des négros veulent me voir mort dans mon hall. Je veux le salaire d'un joueur de football. Et vive la vie d'une star du rock'n'roll. Marie, si jamais tu t'ennuies, appelle-moi même au milieu de la nuit. Mets ta petite tenue la plus coquine. Tu twerkeras sur moi, défoncé sous ligne. Je mène la vie d'un gangster. Je rêve d'être une rockstar. Ne me compare pas à ces acteurs qui méritent des Oscars. Oh Marine, si tu savais tout le bien que tu m'as fait. Je mixe codéine, prométhazine. Et quand mon mélange fait tes fers, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny. Je me sens grave comme Johnny. Je me sens comme Johnny. Je suis dans la caisse en barreau dans la capitale. Je passe des bouchons sur moi, je pète un câble. Tout s'y roule un gros pétard. Bon, je prends la voie, puis impeccable. Jack et Daniel vont me défoncer. Je garde la compte et je me fais chier. De toute façon, je vais leur mettre la fessée. Et pas la peine de venir me les lécher. Je marche dans la ville. Tout le monde me jette comme un gros bolide. Je claque le bénef comme au Monopoly. Putain, je suis trop frais, je me sens comme Johnny. Bitch, twerk, négro, sens-toi comme Johnny. Casse ton joint de bœuf à la recherche de bonnes feuilles. On continue les bails, on s'en qui est plein de bleu. Je mène la vie d'un gangster. Je rêve d'être une rockstar. Ne me compare pas à ces acteurs qui méritent des Oscars. Oh Marine, si tu savais tout le bien que tu m'as fait. Je mixe codéine, prométhazine. Et quand mon mélange fait tes fers, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny. Ta mère c'est la plus belle, bah je suis plus beau que elle. Je fume ma zébé, elle est bonne comme si je la découvrais. Je suis tellement cool, la plume pull up des éclairs. Et si je coulisse avec des petites pétasses de sirène. 1,70 et je promène ma dope. Collé comme un stick mais c'est pas le cas de ma go. Fuck l'état, je fais plaisir à la France. Toi qu'il donne mon oseille du même teint que ma peau. Moi je dissimule mes dingueries comme l'état. Minutieusement on applique la vendetta. Et la rue c'est ta mère c'est une pétasse. Ta mère c'est une pétasse. Je suis frais comme Johnny, un touchable comme Tony. Et quand je me lève c'est pour pécho ma molly. Je suis frais comme le week-end. T'es pété comme jeudi. Je mène la vie d'un gangster. Je rêve d'être une rockstar. Ne me compare pas à ces acteurs qui méritent des Oscars. Oh Marine, si tu savais tout le bien que tu m'as fait. Je mixe codéine, prométhazine. Et quand mon mélange fait tes fers, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny. Je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny, je me sens comme Johnny.